Chapitre 3e. Au carnaval de la deuxième année que Serge passait dans l'ermitage, une compagnie très joyeuse, des gens riches de la ville voisine, hommes et femmes, après avoir mangé beaucoup de crêpes et bu beaucoup de vin, partit faire une promenade en Troïka. Cette compagnie était composée de deux avocats, d'un riche propriétaire terrien, d'un officier et de quatre dames. L'une d'elles était la femme de l'officier, une autre la femme du propriétaire, la troisième, une jeune fille, était la sœur du propriétaire, et la quatrième était une dame divorcée, d'une beauté remarquable, très riche, une originale, qui étonnait et troublait toute la ville par ses extravagances. Le temps était beau, la route unie comme un parquet. À divers au-delà de la ville, la compagnie s'arrêta et l'on se mit à discuter où aller. Retourner ou continuer? Mais où mène ce chemin? Demanda Madame Makovkina, la femme divorcée. « Athée, qui est à 12 verstes d'ici, » répondit l'avocat qui faisait la cour à Madame Makovkina. « Et puis ?»« Après, à elle, en passant par le couvent. »« Là où vit le père Serge ?»« Oui. »« Kassatsky, le bel ermite ?»« Oui. »« Mesdames, messieurs, allons chez Kassatsky. »« Athée, nous nous reposerons, nous souperons. »« Mais nous n'aurons pas le temps de retourner à la maison. »« Cela ne fait rien, on passera la nuit chez Kassatsky. » Il est vrai qu'il y a là-bas l'hospice du couvent et même très bon. J'y suis allé quand j'ai plaidé pour Makin. Non, moi je passerai la nuit chez Kassatsky. Non, madame, malgré toute votre puissance, c'est impossible. Impossible, voulez-vous parier? Ça va, si vous passez la nuit chez lui, tout ce que vous voudrez. À discrétion. Et de votre côté aussi? Eh bien, partons. On donna du vin au cocher, on retira une caisse qui contenait des gâteaux, du vin, des bonbons. Les dames s'enveloppèrent en des pelisses blanches fourrées de peau de chien. Les cochers discutèrent qui irait en avant, et un jeune cocher, s'asseyant de côté, fit siffler un long fouet. Les grelots tintèrent, et les patins commencèrent à grincer. Le traîneau se balançait un peu, le cheval de côté galopait gaiement. La route unie fuyait rapidement. Le cocher agitait gaillardement les guides. L'avocat et l'officier, assis en face l'un de l'autre, racontaient quelques blagues à leur voisine, Madame Makovkina. Mais celle-ci, serrée dans sa pelisse, était assise immobile et pensait. Toujours la même chose et la plus vilaine. Les visages rouges, luisants, avec l'odeur de vin et de tabac, les mêmes paroles, les mêmes pensées, et tout tourne autour de la saleté. Eux tous sont contents. Ils sont sûrs qu'il faut agir ainsi, et qu'ils peuvent continuer à mener cette existence jusqu'à la mort. Moi, je ne le puis pas. Je m'ennuie. J'ai besoin de quelque chose qui bouleverse tout cela. Comme ceux qui, à Saratov, étaient partis se promener et sont morts gelés. Qu'auraient fait ceux-ci? Comment se conduiraient-ils? Probablement lâchement, chacun pour soi. Et moi aussi, probablement, je me serais conduite lâchement. Mais au moins, je suis belle. Ils le savent. Et ce moine? Est-ce que lui ne comprend pas cela? Ce n'est pas vrai. Ils ne comprennent que cette seule chose. C'est comme cet automne avec ce cadet. Et quel imbécile il était! Ivan Nikolaïevitch, dit-elle, qu'ordonnez-vous? Quel âge a-t-il? Qui? Mais Kassatsky. Il paraît qu'il a passé la quarantaine. Et alors il reçoit tout le monde? Tout le monde, mais pas toujours. Couvrez-moi les jambes. Pas comme ça, que vous êtes gauche. Eh bien, encore, encore, voilà, comme ça. Il est inutile de me serrer les jambes. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la forêt où se trouvait l'ermitage. Elle descendit et leur ordonna de partir. Ils essayèrent de la détourner de son projet, mais elle se fâcha et demanda à tous de s'en aller. C'était la 4e année déjà que le père Serge vivait en reclus. Il avait 49 ans. Sa vie était pénible. Ce n'était pas le jeûne et la prière qui la rendaient telle. Ce n'était pas non plus le travail. C'était une lutte intérieure à laquelle il ne s'était pas attendu. Le doute et le désir charnel. Il lui semblait que c'était là deux ennemis distincts. Tandis qu'en réalité, ce n'en était qu'un seul. Aussitôt que disparaissait le doute, aussitôt disparaissait le désir. Mais il pensait qu'il s'agissait de deux démons différents, et luttait contre eux séparément. Mais ces deux ennemis s'éveillaient en lui toujours ensemble. « mon Dieu » pensait-il, « pourquoi ne me donnes-tu pas la foi ? Le désir charnel, contre lui ont lutté saint Antoine et les autres, mais la foi, ils l'avaient eux, tandis qu'il y a des minutes, des heures, des jours, quand je ne l'ai pas. Pourquoi l'univers? Pourquoi son charme? S'il est plein de péchés et s'il faut y renoncer, pourquoi as-tu créé cette séduction, la tentation? Mais n'est-ce pas une tentation de vouloir renoncer aux joies de ce monde et préparer quelque chose là-bas où il n'y a rien? Se disait-il, et il ressentait du dégoût et de l'horreur pour soi-même. Misérable, lâche, tu vas être un saint! Commençait-il à s'injurier. Ensuite, il se mettait à prier. Une fois s'étant mis à prier, aussitôt il se vit lui-même tel qu'il était au couvent, en bonnet, en robe de moine, l'air majestueux. Il hocha la tête. « Non, ce n'est pas cela. C'est une tromperie. Je puis tromper les autres, mais je ne puis tromper ni moi-même ni Dieu. Je ne suis pas un homme majestueux, je suis un misérable. » Il écarta sa robe et regarda ses jambes maigres en caleçon. Puis il rabattit les pans de sa robe et se mit à réciter les prières en se signant et se prosternant. « Est-ce que cette couche sera mon cercueil ? » récitait-il. Et un diable quelconque lui chuchota. « La couche solitaire est un cercueil. »« Mensonge ! » Et en imagination, il sentit les épaules de la veuve qui avait été sa maîtresse. Il se secoua et reprit sa lecture. Quand il eut terminé les règles, il prit l'évangile, l'ouvrit, et trouva un passage qu'il répétait souvent et savait par cœur. « Je crois, Seigneur, fais que je vive selon ma foi. » Il repoussa tous les doutes qui l'assaillaient. De même qu'on installe un objet de façon qu'il ne perde pas l'équilibre, de même il installa de nouveau sa foi sur un support chancelant et s'en écarta prudemment afin de ne pas le heurter et le faire choir. Il répéta la prière qu'il récitait étant enfant. « Seigneur, prends-moi. » Et il se sentit non seulement allégé, mais joyeux et attendri. Il se signa, se coucha sur sa paillasse posée sur un banc étroit, glissa sous sa tête sa soutane d'été et s'endormit. Dans le sommeil, il lui sembla entendre un bruit de grelots. Il ne savait si c'était réalité ou rêve, mais soudain il fut éveillé par un coup donné à sa porte. Il se leva, n'en croyant pas ses oreilles. D'autres coups suivirent. Oui, c'était bien à sa porte qu'on frappait. Et il entendit une voix de femme. « Mon Dieu, est-ce vrai ce que j'ai lu dans la vie des saints, que le diable prend l'aspect de la femme ?»« Oui, c'est une voix de femme. Et une voix tendre, timide, charmante. Pouah !»« Non, cela me paraît seulement, » se dit-il. Et il alla dans le coin où était installé un petit autel, et s'agenouilla d'un mouvement habituel, méthodique, dans lequel il trouvait de la consolation et du plaisir. Il tomba à genoux, les cheveux couvrant son visage, et appuya son front nu sur le petit tapis posé sur le sol. Du parquet venait du vent. Il récita une prière qui, le père Pimène le lui avait dit, aidait à vaincre la suggestion diabolique. Il continua à réciter, mais malgré lui, il tendait son ouïe pour écouter. Il désirait entendre. Tout était calme. Les mêmes gouttes tombaient du toit dans le petit seau placé dans un coin. Dehors, il faisait noir. Le brouillard assombrissait la neige. Tout était calme, et tout d'un coup, un bruit se fit près de la fenêtre, et une voix claire, la même voix tendre, timide, qui ne pouvait appartenir qu'à une femme séduisante, prononça « Laissez-moi entrer, au nom du Christ !» Il lui sembla que tout son sang lui affluait au cœur et s'y arrêtait. Il ne pouvait respirer. Que Dieu ressuscite et que ses ennemis périssent. « Mais je ne suis pas le diable !» entendit-il, et on sentait que les lèvres qui prononçaient cela souriaient. « Je ne suis pas le diable. Je suis une simple femme, une pécheresse égarée, au sens propre et au sens figuré. » Elle rit. « J'ai froid et je demande asile. » Il approcha son visage de la vitre, mais la lumière de la lampe s'y reflétait. Il mit ses mains de chaque côté de son visage et regarda. Le brouillard, la neige, l'arbre. Et voici, à sa droite, elle. Oui, c'est elle, une femme. Dans une pelisse de longue fourrure blanche, en bonnet, avec un visage charmant, bon, effrayé. Elle est ici, tout près de lui, et penchée de son côté. Leurs regards se sont croisés et se sont reconnus. Ce n'est pas qu'ils se soient jamais vus, ils ne se sont jamais rencontrés, mais, dans le regard qu'ils ont échangé, tous deux ont senti, lui surtout, qu'ils se connaissent et se comprennent. Après ce regard, on ne pouvait plus avoir de doute. Ce n'était pas une femme simple, bonne, charmante et timide, c'était le diable. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu ? » dit-il. « Mais ouvrez !» dit-elle avec la conscience de sa puissance. « J'ai froid. Je vous dis que je suis égarée. Mais je suis un moine, un ermite. Qu'importe, ouvrez. Voulez-vous donc que je meure de froid sous votre fenêtre pendant que vous priez ? Mais comment êtes-vous arrivé ici ? Oh, je ne vous mangerai pas ! Au nom de Dieu, laissez-moi entrer, je suis toute gelée ! Elle commençait à avoir peur. Elle prononça ces mots presque en pleurnichant. Il s'éloigna de la fenêtre, regarda l'icône du Christ couronnée d'épines. « Seigneur Dieu, aide-moi ! Seigneur Dieu, secours-moi » prononça-t-il en se signant et saluant en bas. Il s'approcha de la porte qui donnait sur le petit vestibule et l'ouvrit. Dans le vestibule, il tâta le verrou et commença à le tirer. De l'autre côté de la porte, il entendait des pas. Elle allait de la fenêtre à la porte. « Aïe ! » s'écria-t-elle tout d'un coup. Il comprit qu'elle s'était embourbée dans une petite flaque qui se trouvait près de l'entrée. Ses mains tremblaient. Il ne pouvait tirer le verrou. « Mais voyons, laissez-moi entrer. Je suis toute mouillée, je suis transie. Vous pensez au salut de l'âme, et moi je suis presque morte. » Il tira le verrou, leva le loquet, et sans calculer ses mouvements, il poussa si fermement la porte au dehors qu'il lui donna un coup. « Excusez-moi, » dit-il tout d'un coup, retrouvant sa façon d'autrefois de parler aux dames. Elle sourit en entendant cet « excusez-moi ». « Il n'est pas si terrible, » pensa-t-elle. « Ce n'est rien, rien. C'est moi qui vous demande pardon. » dit-elle en passant devant lui, « je n'aurais jamais osé, c'est un cas si particulier. »« S'il vous plaît, » prononça-t-il en la laissant passer devant lui. Une forte odeur de bon parfum qu'il n'avait pas senti depuis longtemps le frappa. Elle traversa le vestibule et entra dans la cellule. Il ferma la porte extérieure sans mettre le verrou et la suivit. « Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur, aie pitié de moi, » répétait-il sans cesse, non seulement mentalement, mais en remuant malgré lui les lèvres. « Entrez, je vous en prie, » dit-il. Elle était au milieu de la chambre. L'eau gouttait sur le parquet. Il l'examinait. Ses yeux riaient. « Pardonnez-moi d'avoir troublé votre solitude, mais voyez en quelle situation je me trouve. C'est arrivé parce que nous avons fait une promenade en Troïka et que j'ai parié que j'arriverais seul de Vorobyovka à la ville. Mais je me suis égaré, et si je n'avais pas rencontré votre demeure, » commença-t-elle à mentir. Mais le visage de son interlocuteur la troublait, et incapable de poursuivre, elle se tut. Elle s'attendait à le voir tout autre. Il n'était pas si beau qu'elle se l'était imaginé, mais elle le trouvait beau. Ses cheveux grisonnants, bouclés, sa barbe, son nez fin, droit, ses yeux brûlants comme des charbons quand il regardait en face, la frappaient. Il vit qu'elle mentait. « Ah, c'est ainsi !» dit-il en baissant les yeux et jetant un regard sur elle. « Je passerai à côté, et vous, installez-vous ici. » Il prit la petite lampe, alluma une chandelle, et la salua en bas, passa dans le petit réduit séparé par une cloison. Elle l'entendit qui remuait quelque chose là-bas. « Probablement qu'il se barricade contre moi, » pensa-t-elle en souriant. Après avoir enlevé sa rotonde blanche garnie de zibeline, elle retira son bonnet qui s'accrochait à ses cheveux et le châle qui l'enveloppait. Elle n'était pas du tout mouillée quand elle était devant la fenêtre. Elle l'avait dit alors uniquement pour qu'il la laissât entrer. Mais près de la porte, effectivement, elle avait marché dans la flaque et s'était mouillée la jambe gauche jusqu'au mollet. Sa chaussure était pleine d'eau. Elle s'assit sur la planche qui n'était couverte que d'un tapis et se mit à se déchausser. Ce logis lui parut charmant. La petite chambre large de 3 archines et longue de 4 était nette comme un miroir. Elle renfermait simplement la couchette sur laquelle elle était assise, au-dessus de la couchette, une étagère avec des livres, et dans le coin, un petit autel. Dans la porte étaient plantés des clous auxquels étaient suspendues sa pelisse et une robe de moine. Au-dessus de l'autel était appendue l'image du Christ couronné d'épines, devant laquelle brûlait une petite veilleuse. Une odeur étrange d'huile, de sueur et de terre imprégnait la pièce. Tout lui plaisait, même cette odeur. Ses pieds mouillés l'inquiétaient surtout. Elle se mit à se déchausser hâtivement sans cesser de sourire, se réjouissant moins d'avoir atteint son but que de troubler, comme elle le voyait, cet homme charmant, étonnant, étrange, attirant. « Il ne m'a pas ouvert tout de suite. Eh bien, ce n'est pas un malheur, » se dit-elle. « Père Serge, c'est bien ainsi qu'on vous appelle. »« Que vous faut-il ? » répondit une voix douce. « Je vous prie de me pardonner d'avoir violé votre solitude, mais vraiment, je ne pouvais pas faire autrement. » Je serais tombé malade, et même encore, je ne sais pas. Je suis toute mouillée, mes pieds sont glacés. « Pardonnez-moi, » répondit une voix douce, « je ne puis vous être utile en rien. Pour rien au monde, je ne vous aurais troublé, je ne resterai que jusqu'à l'aube. » Il ne répondit pas, et elle entendit qu'il murmurait quelque chose, évidemment une prière. « Vous n'allez pas entrer ici ? » demanda-t-elle en souriant. « Je vous demande cela parce que j'ai besoin de me déshabiller pour me sécher. » Il ne répondit pas, et continuait, de l'autre côté de la cloison, à réciter ses prières d'une voix monotone. « Oui, voilà un homme. » pensa-t-elle en retirant à grand-peine ses chaussures mouillées. Elle tira une bottine, sans parvenir à l'enlever, et cela lui parut drôle. Elle se mit à rire imperceptiblement, mais sachant qu'il l'entendait, et que ce rire agirait sur lui précisément comme elle le voulait, elle rit plus haut, et son rire, gai, naturel, bon, produisit sur lui précisément l'effet qu'elle en attendait. Oui, un homme pareil, on peut l'aimer. Ses yeux et ce visage simple, noble, et quelques prières qu'il marmotte, passionnées, pensa-t-elle. Nous autres femmes, on ne nous trompe pas. Lorsqu'il approcha son visage de la vitre et m'aperçut, il comprit et me reconnut. Le désir brilla dans ses yeux et y demeura. Il m'a aimé et désiré, oui, désiré, se dit-elle, après avoir enfin réussi à retirer sa chaussure et se préparant à enlever son bas. Mais pour ôter ses longs bas retenus par les jartelles, il lui fallait relever ses jupes. Elle lui monte et prononça « N'entrez pas !» Mais derrière le mur, il n'y eut aucune réponse. Le chuchotement régulier continuait, et l'on entendait encore un bruit de mouvement. « Probablement qu'il se prosterne à terre, » pensa-t-elle. « Mais cela ne fait rien. Il pense à moi comme je pense à lui. » Avec le même sentiment, il pense à ses jambes, se disait-elle en retirant ses bas mouillés et s'asseyant sur la couchette, les pieds sous elle. Elle resta assise, les mains en serrant ses genoux et regardant pensivement devant elle, mais pour peu de temps. « Mais c'est un désert, et personne n'en saurait jamais rien. » Elle se leva, porta ses bas vers le poêle, et les suspendit à la bouche de chaleur, qui était d'une construction particulière. Ensuite, marchant légèrement, les pieds nus, elle retourna sur la couchette et s'y assit de nouveau, les pieds sous elle. De l'autre côté du mur, tout était devenu calme. Elle regarda la montre minuscule qu'elle portait suspendue à son cou. Il était 2 heures. Les nôtres doivent venir vers 3 heures. Il restait 1 heure, pas plus. Quoi ? Vais-je rester ici toute seule ? Quelle blague ! Je ne le veux pas. Je vais l'appeler. Père Serge ! Père Serge ! Serge Dimitrievitch ! Prince ! Kassatsky ! Derrière la porte régnait le silence. Écoutez, c'est cruel. Je ne vous eusse point appelé si je n'avais besoin. Je suis malade. Je ne sais pas ce que j'ai, prononça-t-elle d'une voix souffrante. Oh, oh ! Gémit-elle en retombant sur la couchette. Et chose bizarre, elle se sentit réellement souffrante, et des frissons de fièvre la secouèrent. Écoutez, venez à mon aide. Je ne sais pas ce que j'ai. Oh, oh ! Elle déboutonna sa robe, découvrit sa poitrine, écarta ses bras nus jusqu'au coude. Oh, oh ! Tout ce temps, réfugié dans son réduit, il priait. Ayant dit toutes les prières du soir, maintenant il se tenait debout, immobile, les yeux fixant le bout de son nez, et mentalement il répétait « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Il avait tout entendu. Il avait entendu le froufrou de sa robe de soie, ses pas, pieds nus sur le sol, ses frictions de bras et de jambes. Il sentait qu'il était faible et qu'il pouvait succomber d'un instant à l'autre. C'est pourquoi il priait sans cesse. Il éprouvait quelque chose d'analogue à ce que devait éprouver ce héros des contes condamné à marcher sans se retourner. Ainsi, Serge écoutait et sentait que le danger, la perte, était là, en lui, autour de lui, et qu'il ne pouvait y échapper qu'en ne regardant pas un seul instant. À ce moment, elle prononça « Écoutez, c'est cruel, je puis mourir. » « Oui, j'irai. » Mais je ferai comme fit ce religieux qui, touchant d'une main la femme adultère, tenait l'autre sur une grille ardente. Mais il n'y avait pas de grille. Il regarda autour de lui la lampe. Il avança un doigt au-dessus de la flamme et fronça les sourcils, se préparant à souffrir assez longtemps. Il lui semblait ne rien sentir, mais tout d'un coup, avant même de se rendre compte s'il avait mal ou non, et quel était le mal, tout son être se crispa, et il éloigna sa main en l'agitant. « Non, je ne le puis pas. »« Au nom de Dieu, venez, je me meurs, oh !»« Quoi, succomberai-je ? Mais non !»« Je viens, » prononça-t-il. Il ouvrit la porte, et passant devant elle sans la regarder, gagna le vestibule où il fendait son bois. Il tâta le biot sur lequel il fendait le bois et la hache appuyée au mur. « Tout de suite !» dit-il. Et prenant la hache de la main droite, il plaça sur le biot l'index de la main gauche et abattit la hache en frappant le doigt au-dessus de la deuxième phalange. Le doigt se détacha plus facilement que du bois, et en tombant, se retourna, frappa contre le biot et roula sur le sol. Le père Serge entendit le bruit avant de sentir le mal, mais avant qu'il ait eu le temps de se ressaisir, il éprouva une douleur brûlante et sentit la tiédeur du sang qui coulait. Il entortilla dans sa robe le tronçon du doigt, le serra contre son corps, et rentrant dans la cellule, il s'arrêta devant la femme et lui demanda doucement « Qu'avez-vous ? » Elle regarda son visage pâle, remarqua un tremblement de sa joue gauche et tout d'un coup, elle eut honte. Elle bondit, saisit sa pelisse et s'en enveloppa. « Oui, je souffre. J'ai pris froid. Je... Père Serge, je... » Il leva sur elle ses yeux où brillait une lumière douce et joyeuse et dit « Chère sœur, pourquoi as-tu voulu perdre ton âme immortelle ? Les tentations doivent entrer dans le monde, mais malheur à celui par qui elles entrent. Prie Dieu de nous pardonner. » Elle l'écoutait et le regardait. Tout d'un coup, elle entendit le bruit d'un liquide quelconque tombant goutte à goutte. Elle le regarda et vit sur sa soutane le sang qui coulait de sa main. « Que vous êtes-vous fait à la main ?» Elle se rappela le bruit qu'elle avait entendu et, saisissant la lampe, elle courut dans le vestibule. Sur le sol, elle aperçut le doigt ensanglanté. Plus pâle que lui, elle retourna pour lui dire quelque chose, mais doucement, il passa dans le réduit et ferma derrière lui la porte. « Pardonnez-moi, » dit-elle. « Comment rachèterai-je mon péché ? Va-t'en. Laissez-moi penser votre blessure. Va-t'en d'ici. » Hâtivement et silencieusement, elle s'habilla. Elle était assise, toute prête, en pelisse, et attendait. Du dehors arriva un bruit de grelots. « Père Serge, pardonnez-moi. Va, Dieu te pardonnera. Père Serge, je changerai de vie. Ne m'abandonnez pas. Va-t'en. Pardonnez-moi et bénissez-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, entendit-on à travers la cloison. « Va-t'en !» En sanglotant, elle sortit de la cellule. L'avocat vint à sa rencontre. « Eh bien, rien à faire, j'ai perdu. Où montez-vous ? » ?»« Cela m'est égal. » Elle s'assit dans la voiture et jusqu'à la maison ne prononça pas une parole. Un an plus tard, elle entrait au couvent où elle vécut une vie sévère sous la direction de l'ermite qui lui écrivait de temps en temps.